Unité 4. Leçon 1, page 45. Écoutez le témoignage de Frédéric. Je n'ai jamais vraiment choisi un métier. D'ailleurs, mon parcours professionnel est très irrégulier, en dents de scie. Depuis 5 ans, je suis commercial, je vends des cuisines. Très vite, j'ai fait le tour de cette profession. Alors, j'ai décidé de tout arrêter et de redémarrer autre chose, autrement. Mon bilan est très clair, le côté costume-cravate et langue de bois, j'en veux plus. Je veux être moi-même. J'ai décidé de m'installer dans un vrai métier avec de vraies responsabilités, de vraies valeurs. Enfin, quelque chose où j'ai le sentiment d'être utile. Écoutez les réponses des 8 professionnels. 1. Fernando. Mon travail actuel me donne l'occasion de créer de belles choses et d'aménager l'environnement de mes clients de manière harmonieuse. 2. Nathalie. Parce que cette profession correspond à mon besoin de diversité, de changement. C'est l'occasion de faire des choses très différentes et de voyager tout le temps. 3. Claire. Je fais ce métier parce que les deux choses qui comptent pour moi, c'est d'être au service du public et d'occuper un emploi stable, surtout en période de crise économique. 4. Nelson. Dans ce métier, je dois impressionner, convaincre, m'exprimer par la parole et l'écrit. Et puis, c'est l'occasion de satisfaire mon besoin de justice. 5. Yasmina. Ce travail est un moyen d'être utile aux autres, de rendre service, de travailler avec d'autres gens qu'on apprend à connaître et à apprécier. Il faut résoudre des problèmes humains, apprendre par soi-même et se remettre en question. 6. Babacar. Ce métier a deux qualités essentielles. Il me laisse un temps libre suffisant pour ma vie personnelle et il me permet de m'épanouir dans la nature avec une forte activité physique. 7. Luc. Ce que j'aime dans ce métier, c'est l'utilisation permanente des équipements techniques et le contact quotidien avec ma clientèle. 8. Andrea. J'ai fait des études de droit social dans le but d'exercer ce métier. J'ai toujours aimé ça, conseiller les gens tout au long de leur carrière, apprendre à bien les connaître, mener des entretiens de recrutement, trouver la bonne personne au bon poste, etc., etc.